Blunt, SCH. À la 89e, la balle vient en l'air. Ciseaux, j'en ai rien à foutre qu'elle-même. Qu'elle veut que je la monte en l'air. Misto, t'es belle et qu'elle est képi. Tu fumes comme un hippie. Neugeot, en modeste avec le J. On te fait de la magie. Décisionnaire, elle veut goûter le poison de la zone. Faire de millionnaire. Mais la petite pareille et l'argent. Faut 11 numéro 10. Je parle pas trop comme le KGB. 3h du mat. Dans l'ultra, ça tient la taille comme un bébé. Sous cher bête, là je me lève en vrac. J'ai laissé la barbe à la réclare, l'autre broc. J'passais là, j'faire des têtes dans le bloc. J'ai fait les mèches à la LV en coque. J'volant, j'peux pas faire un break. Pas qu'elle assassine comme Drake. Trop de salopes, j'les traite comme on m'traite. Et j'rentre toujours quand on m'prête. J'savais pas que t'étais un poudre. Tu montes plus dans ma voiture. Ça perd son tête, ça sent le couteau. Y'a tout le monde qui sature. Au quartier nord, ça sent la mort. Au quartier sud, c'est comme buvant les stupes. Au centre-ville, c'est karaté karaté. Viens dans le 13, de partout y'a la frappe. Tu le mets, je lève la moto. Tu dégaines, tu me fais le toto. Ça c'est la guitare, très tôt. Tu d'image, pop, pop, pop, pop. Tu le mets, je lève la moto. Tu dégaines, tu me fais le toto. Ça c'est la guitare, très tôt. L'arrière des cigares, j'vais le Capri d'Italie, baby. J'passe une étape, j'fais plus la queue chez George et AB. J'enlève la chicane, love sauce à fuck Tony et Manny. Encore quelques jours et j'les choque. Encore quelques lourds et j'm'échappe. Groupe Ring se qualie et j'vois les suceurs qui s'allient. On se dira plus salut, j't'ai fait du bien, tu m'as sali. J'vois ces moutons qui s'alignent, moi j'suis clair comme Cristaline. Mia, j'prends mes j'tourne à la lime, j'te nique, j'ai pas les becs à Stallone. Tu regardes mal depuis tout à l'heure, on peut faire le nécessaire. T'as pas de perso, t'es qu'un suiveur. J'ai doublé aux Seychelles, t'as petit à petit, t'es Veneta. Ta mère fait crédit à la lime, du coup elle s'prend pour Ninetta. Ah, j'savais pas que t'étais un poudre. Tu montes plus dans ma voiture. Son tête, ça sent le couteau. Y'a tout le monde qui sature. Au quartier nord, ça sent la mort. Au quartier sud, c'est comme buvant les stupes. Au centre-ville, c'est karaté karaté. Viens dans le 13, de partout y'a la frappe. Tu le mets, j'lève la moto. Tu dégaines, tu me fais le toto. Ça c'est ta guitare, très tôt. Tu d'image, pop, pop, pop, pop. Tu le mets, j'lève la moto. Très tôt, plus d'image, pop, pop, pop, pop.